pouvaient être autrichiens. Bon. Mais les Zanards, ils étaient au pouvoir, ils avaient accepté d'être au gouvernement, eux. Hein? Ils y étaient. Pour un anarchiste, qu'un peuple ou une nation veuille son indépendance, ne puisse être dominée par un pouvoir extérieur, ça paraît dans la norme des choses. En tout cas, pour un anarchiste dans mon genre, si des gens ne veulent plus être dominés, bon, ben, ils foutent ceux qui les dominent à la porte, mais ça me paraît tout à fait correct. Ah, mais là, les anarchistes sont plus, au gouvernement n'ont plus été anarches. Ils étaient hommes de gouvernement. Et alors, les anarchistes ont manqué la grande occasion de leur vie dans l'occurrence. Il faut savoir qu'au moment du soulèvement, le fait que les anarchistes aient tenu Barcelone, hein, qu'ils aient tenu Barcelone du côté républicain, qu'ils aient tenu Valence, qui était une ville bourgeoise, qui n'aurait jamais dû être passée du côté de la République. Parce que la région de Valence n'était pas une région pauvre, elle n'est toujours pas une région pauvre, c'est une région de petits propriétaires, producteurs de choses qui se vendent bien, notamment les oranges. Hein, mais, ouais. Et alors, quand même, les anarchistes, ils avaient pour eux d'avoir tenu Barcelone, d'avoir laissé tenu Valence. Je pourrais vous raconter comment Valence a été pris par 17 copains anarches, une ville qui faisait quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants. Si on me pose la question dans la suite, je vous expliquerai comment ça s'est passé, parce que j'ai connu un des protagonistes. Et alors, les anarchistes avaient un moyen d'intervention, c'était leur presse. Il faut savoir que la presse anarchiste, après le 19 juillet, s'est vendue comme des petits pains. Tout le monde n'était pas anarchiste, mais tout le monde savait, reconnaissait que les anarchistes avaient été héroïques, qu'ils s'étaient battus et que Barcelone n'était pas tombé. C'était quelque chose qui représentait plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Parce qu'il faut savoir que la CNT, après le soulèvement, elle a vu arriver tous ces gens qui attendent que la bataille soit gagnée ou pour adhérer. Bon, la CNT est un syndicat très fort, même avant le soulèvement, mais après le soulèvement, elle était beaucoup plus fort parce qu'il y avait des adhésions de gens qui pensaient que c'était le parti gagnant. Donc, avec ces 600 000 exemplaires, hein, elle aurait pu intervenir. Dire, voilà, le Maroc nous demande son indépendance, nous anarchistes, c'était le discours qu'ils auraient dû tenir, nous anarchistes, nous allons le leur accorder. Parce que nous ne voyons pas comment nous pourrions le refuser. Et à ce moment-là, la répercussion aurait été telle que Blum, il aurait dit, oh là là là là là, si jamais ça se passe, on va avoir des problèmes avec le Maroc français. Donc il aurait peut-être envoyé des armes, il a attendu longtemps pour envoyer, au compte-goutte, il aurait envoyé ce qu'il fallait, et dans les premières semaines, Franco n'aurait pas pu monter jusqu'à Bilbao. Parce qu'il n'avait pas le matériel nécessaire pour faire une remontée pareille devant des gens bien armés. Il faut savoir qu'à Saint-Sébastien, les derniers combats du côté républicain se faisaient avec des balles à blanc. Je vais vous dire s'ils étaient armés, peu armés. Or, il y avait l'argument de Blum, c'était pas seulement le fait que le Maroc français pouvait prendre feu, c'était aussi qu'il y avait l'alliance anglaise à préserver. Parce que quand même, Blum n'était pas tout, on peut tout dire, mais sauf qu'il était un imbécile, il voyait bien la guerre venir. Et alors il disait, il faut rester solidaire avec l'Angleterre parce qu'il faudra se battre un jour ou l'autre, il faudra se battre contre les Allemands. Alors, il ne faut pas contrarier l'Angleterre qui disait, moi je ne veux rien savoir du bourbier espagnol, je ne veux pas m'impliquer là-dedans. Mais grâce à ce chantage que pouvait faire la presse anarchiste, eh bien, Blum aurait pu dire, écoutez, je suis obligé d'intervenir, parce que si je n'interviens pas, ça va être dépassé. Et à ce moment-là, ça changeait beaucoup de choses. Parce que, quand vous voulez gouverner, il ne faut pas être un velléitaire. Il faut être un cynique. Gouverner, c'est être cynique. Imaginez que, qui c'est ce mec du tout, là, qui qui a été président du conseil, qui a dit, c'est pas moi qui tourne, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et Diafort. Vous auriez mis un type comme Diafort, il aurait trouvé la solution, il aurait dit, oh là là, l'intérêt immédiat, c'est pas avoir un ennemi derrière nous. Il aurait dit ce que De Gaulle a dit aux mecs qui ont loupé Monte Carlo, alors qu'il l'avait pris. Il aurait dit, je vous aurais désavoué, mais j'aurais jamais rendu Monte Carlo. Ça, De Gaulle a dit ça aux résistants. Alors, à ce moment-là, il y avait un grand moyen de chantage, et Blum, il pouvait se retourner vers les Anglais et dire, écoutez, non, je ne peux pas ne pas faire quelque chose, je suis obligé d'intervenir dans ces conditions pour que l'indépendance du Maroc espagnol ne soit pas envisagée. Donc ils avaient un moyen de chantage, un moyen de pression. Et là, ils n'ont pas fait. Parce que les camarades ministres anarchistes, ils n'ont plus été anarchistes. Ils ont été membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été conséquents avec leur philosophie, avec leur idéologie. Hein, parce que ici, je ne sais pas combien de sortes d'anarchistes il y a. Ici, il y en a un qui peut dire, moi je suis anarchiste et je regrette qu'on ait accordé l'indépendance à l'Algérie. Il m'étonnerait beaucoup. Hein. Alors donc, le peuple espagnol, lui, il s'était battu 50 ans avant pour ne pas aller au Maroc, justement, parce que la fameuse semaine tragique dont vous avez peut-être entendu parler, à Barcelone, il y a eu une semaine où les gens ne voulaient pas s'embarquer pour le Maroc espagnol. Ça, il y a eu un soulèvement qui a duré une semaine. Le peuple espagnol, il n'avait aucune raison, lui, il n'aurait eu aucune raison de refuser l'indépendance au Maroc, surtout si les Marocains venaient l'assister dans le combat qui est contre Franco. Et ça, les anarchistes ne l'ont pas appris. Et ils n'en parlent jamais. Et moi-même, je ne l'aurais jamais su si un Français qui a participé à la révolution espagnole, lui, je fais une différence, hein, attention entre la guerre civile, parce que lui, il a été, vous l'avez connu, quelques-uns d'ici l'ont connu, Aristide Lapeyre, hein, que la généralité avait nommé à la radio pour les émissions en français, qui a dit, moi je ne suis pas venu pour prendre la parole, je vais aller voir ce qui se passe dans les communautés qu'installent les anarchistes. Donc, et lui a connu ces événements-là, il a su ce qui s'était passé, et ce qui... Alors imaginez un peu que les anarchistes étaient conséquents. Le gouvernement républicain était drôlement embêté, au nom de ses principes plus ou moins socialisants, il n'aurait pas pu refuser cette perspective aux Marocains. Et évidemment, la France aurait eu des problèmes avec son Maroc, parce que si le Maroc et l'Espagnol avaient été indépendants, jamais les Marocains soumis à l'État français n'auraient maintenu, ne seraient restés passifs. Donc, c'est là que la responsabilité de la perte de la guerre civile, je dis bien pas de la révolution, de la guerre civile, a été, pour les anarchistes, quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Parce que s'ils avaient été conséquents, ils auraient dit, bon, ils veulent être indépendants, mais c'est tout à fait naturel. Et ils auraient accordé l'indépendance. Blum, à ce moment-là, était obligé d'envoyer des armes, ce qui était très facile au départ, parce que je vous dis, à Saint-Sébastien, les républicains se battaient avec des balles à blanc. Mais il aurait suffi que Blum soit un cynique, il aurait trouvé la solution qu'aurait trouvé un cynique comme un Gafford. Et écoutez, vous venez de sortir de grandes grèves, la CGT est à son comble, eh bien, mettez-moi de la grande fête accomplie. Je vous désavouerai, mais vous les bateaux que vous enverrez en Espagne chargés d'armes et de munitions, ils seront passés et les républicains pourront résister. Eh bien, non, ça n'a pas été fait. Hein? La CGT, qui à l'époque était déjà dominée par les communistes, n'a pas suivi, parce qu'à l'époque, les gens se mettaient en grève pour pas grand-chose, pour un rien, c'était beaucoup, hein, parce que il aurait été facile de faire passer quelques wagons de munitions, Saint-Sébastien ne serait pas tombé, Bilbao ne serait pas tombé et la guerre civile pouvait être gagnée. Je ne dirais pas gagnée, elle pouvait être non perdue. Et à ce moment-là, Franco n'ayant pas le temps, Franco, ou les généraux qui l'entouraient, n'ayant pas le temps de se donner une stature suffisante, il aurait dû renoncer à conquérir l'Espagne, puisque l'instrument militaire leur manquait. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus pour eux qu'une perspective, c'était l'exil. Et là, nous, anarchistes, je veux bien rester solidaire des anarchistes espagnols, parce qu'au point de vue révolutionnaire, ils ont fait des choses incontestables. Bon, et incontestables. Mais il est un fait que cette guerre civile n'a pas connu l'issue qu'elle aurait pu connaître, parce que les anarchistes ont été inconséquents, ils n'ont pas été fidèles à leurs principes et à leur idéal. Mais ça, on n'en parle jamais. Et on en a, pendant tout l'exil où ils sont restés, les Espagnols ici, j'en ai jamais entendu un dire on a été con. Excusez-moi, madame. Ça nous est retombé sur le nez, on l'a bien mérité. Parce que quand Franco a avancé, et ainsi de suite, je veux vous dire que tous les gens qui avaient une vague teinture de gauchisme, quand je parle du gauchisme, c'est pas celui de 68, hein, c'est pas de sympathie pour la gauche, pour les socialistes, ainsi de suite, ça a été systématiquement fusillé. Ça a été Franco. À partir d'un certain moment, Franco a eu la position prédominante et le franquisme s'est instauré. Bon. Et lui, dans tous les villages espagnols, il a purgé. Et d'ailleurs, je vous ai dit, 80% du corps enseignant a été systématiquement décimé, pas seulement parce qu'il pouvait avoir des idées de gauche, ce qui n'était pas du tout certain, ils étaient enseignants, ils n'étaient pas forcément anarchistes, ils n'étaient pas forcément républicains, ils n'étaient pas forcément socialistes, ils étaient encore moins forcément communistes, parce que les communistes au moment du soulèvement, aux dernières élections qu'il y avait eu, ils avaient eu 12 députés par désistement, c'est-à-dire qu'ils représentaient quelque chose de très très faible. Eh bien, à ce moment-là, si les anarchistes avaient des conséquences et qu'ils étaient oubliés dans Solidaridad Obrera, et puis tous les autres journaux qu'ils avaient, parce qu'ils en avaient quelques-uns, hein, il n'y en avait pas qu'un, s'il y a quelques Espagnols là, il y en a un au moins qui s'est présenté, donc il y en a au moins un, il sait que la presse anarchiste, dans l'époque, on n'avait pas besoin d'aller chercher, on la trouvait partout. Eh bien, cet instrument qui aurait pu servir à faire caler Blume, en disant qui aurait pu se retourner vers l'Angleterre, c'est-à-dire, je ne peux pas faire autrement, je suis obligé d'intervenir en Espagne. Hein, plus ou moins hypocritement, mais intervenir. Parce qu'on ne demandait pas à Blum d'arriver avec le drapeau déployé de la SFIO, qui est bordeaux foncé, alors que le drapeau rouge du Parti communiste, il est plutôt clair, hein, la rouge clair. On ne lui demandait pas de devenir de la bagnole de main. On lui demande tout simplement, hypocritement, d'envoyer des wagons de munitions. Et ça, on pouvait le faire. Et c'est tellement vrai que c'était possible, qu'il y a eu des gens, vous allez être étonnés, qu'il y a eu des gens de droite qui sont allés trouver Blum. C'est-à-dire des gens de l'Action française. Vous voyez ce que ça représente, l'Action française ? Qui sont allés dire, mon monsieur Blum, il faut intervenir en Espagne. Jamais Louis XIV, vous voyez si la référence était lointaine, jamais Louis XIV n'aurait permis d'avoir des ennemis sur trois fronts. Eh bien, Blum n'a pas cédé à l'envoyé du Parti Socialiste Espagnol quand il s'est venu, et il n'a pas cédé non plus aux monarchistes, aux gens d'Action française qui étaient droite mais qui ne voulaient pas avoir un pays ennemi derrière leur dos. Et alors, voilà, la guerre civile s'est déroulée, on l'a perdue, alors qu'on aurait pu ne pas la perdre. Et là, dans la guerre civile, il y a des responsabilités pour tous les partis, mais là, les anarchistes, c'est leur entière responsabilité. Là, ils ne peuvent pas dire, c'est de la faute à Pierre, c'est de la faute à Paul. Non, c'est notre faute. Et ça, pendant tout l'exil espagnol, j'ai entendu la Frédérique au moins 10 fois à Marseille. toujours le même discours. Alors là, les masses sénétistes et anarchistes qui étaient venus à la Bourse du Travail, hein, pas loin là, hein, ils se dressaient, ils s'applaudissaient, quoi. On inventait les plus beaux, les plus forts. Oui, les plus beaux, mais les plus bêtes. Parce que c'était une sottise, hein. La République, elle était ce qu'elle était, c'était pas un régime idéal, mais elle avait au moins pour elle d'avoir créé 2000 écoles, ce qui n'est pas rien en 5 ans. Hein. Et puis, elle avait quand même, dans sa répression de ce qui lui déplaisait, quand les anarchistes et les gens de la CNT allaient en prison sous la République, c'était un régime, ils étaient en taule. Pour être en taule, ils étaient en taule. Mais enfin, ils n'étaient pas en cellule, le matin on ouvrait. Ils passaient leur journée dans la cour, ils discutaient, ils pouvaient plus ou moins s'informer mutuellement. C'était pas un régime extrêmement répressif. D'autant plus que, comme je vous dis, les socialistes étant velléitaires, c'est pas des fanatiques. La prison, il y en a qui y sont restés jusqu'au 19 juillet, puisque les anarchistes ont pris Barcelone, ils sont allés ouvrir les prisons, et les camarades sénétistes, los compañeros sénétistes, ils ont été aussitôt libérés, ils ont retrouvé femmes, enfants et foyers. C'était pas un régime, par rapport à Franco, à ce qui a suivi, c'était un régime très supportable pour le développement du mouvement libertaire, s'il était très fort à l'Est, c'est-à-dire dans la région de Barcelone, ainsi de suite, n'avait pas quand même, l'Espagne entière n'était pas anarchiste. Hein. Quand les anarchistes sont arrivés sur le front d'Aragon, pour maintenir Franco loin de Barcelone, eh bien, ils ont trouvé des peuples de ce qu'ils appelaient, que les Espagnols appellent encore los braceros, c'est-à-dire que ceux qui n'ont que leurs bras pour gagner leur vie. Et ceux-là, ils étaient tellement habitués à la servitude que leur patron, tous les terratenientes, ceux qui possédaient la terre, tous ceux qui, hein, eux, ils avaient compris tout de suite, ils étaient partis du côté Franco. Ils se retrouvaient sans cadre, ces gens-là. Ils étaient toujours habitués à être commandés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont retournés vers les troupes anarchistes pour leur demander ce qu'il fallait faire. C'est vous dire s'ils étaient conditionnés. Alors les anarches du coin, ils leur ont dit, bah, écoutez, la terre, elle ne s'est pas envolée. Vous l'avez toujours cultivée, pourquoi vous ne continueriez pas à le faire? Alors là, ils ont eu un petit fond de conscience, ils disent, oui, mais des terres, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Alors vous comprenez, celui qui aura un bon morceau, hein, eh bien, il sera avantagé, l'autre, il va transpirer toute l'année pour pas grand-chose. Alors les anarches leur ont fait la réponse très logique, là, ils étaient conséquents. Ils leur ont dit, mais pourquoi vous voulez la partager comme ça, la terre? Partagez-vous les récoltes au prorata des besoins familiaux. Et comme ça, il n'y aura pas d'injustice. Ces mecs, ça leur a paru bien, ça. Évidemment, tu avais 3 enfants, tu avais 3 rations, tu avais 2... Enfin, finalement, ça a tellement bien marché que les troupes qui étaient sur le front d'Aragon ont été nourries par ces collectivités de gens qui étaient en collectivité libertaire sans avoir jamais été anarchistes. Donc ça tenait, il a fallu que les cocos envoient des troupes par 2 fois pour détruire ces communautés, remettre la propriété privée à l'honneur. Mais aussitôt qu'ils étaient repartis, que l'Ister est reparti, l'Ister c'est un général espagnol, parce que les cocos, ils avaient eu l'habitude de nommer généraux des Espagnols, qui eux travaillaient en double commande. C'est-à-dire que derrière eux, il y avait un communiste, et ce communiste était russe. Hein? Alors, dès que ces gens-là sont repartis, reformer les communautés qui leur distribuaient d'une manière intelligente les produits de la terre qui les faisait vivre. Donc, au point de vue de révolutionnaires, les anarchistes ont été conséquents. Mais à partir du moment où ils sont entrés au gouvernement, ben, ils ont cessé d'être anarchistes pour être hommes de gouvernement. Hein? Là, à un moment donné, ça s'est manifesté encore, quand la télégraphique elle a été assiégée par les communistes. Eh ben, Frédéric, elle est venue pour mettre le calme. Alors que les camarades anarchistes avaient tout à fait raison. Ils avaient la centrale téléphonique, ils avaient gagné en se soulevant contre les forces de Franco, parce que ça n'a pas été une petite affaire, la prise de Barcelone. C'est que l'armée était encasernée, elle avait des munitions, elle était à l'abri des fusils que les républicains espagnols, les copains anards avaient pu récupérer à droite, à gauche. Hein? Il a fallu quand même que... Tu sais quoi le nom des trois mousquetaires? Robert Ascarso. Hein? Et puis il y a un troisième. Hein? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Alors, il a fallu que... C'est tout ce qui fait la différence. C'est que quand tu es un responsable communiste ou socialiste, tu es quand même pas en première ligne, alors, parce que, alors, si les responsables sont au feu, alors, il n'y a plus de combat possible, quoi. Tandis que les anards ont été conséquents. Il y en a un qui a pris cette fameuse voiture américaine, parce qu'elle était très lourde, et qui s'est lancé à toute vitesse sur le portail qui défendait l'entrée de la caserne, et qui l'a défoncé, et qui y est resté, parce que les troupes qui étaient à l'intérieur de la caserne, ils ont tiré dans le pare-brise, hein. Mais, à ce moment-là, les copains de l'époque ont pu rentrer dans la caserne, ils ont désarmé tout le monde, les simples soldats leur ont dit, vous faites ce que vous voulez, vous partez, on ne s'intéresse pas à vous, quant à vos officiers, on va leur apprendre à donner des commandements à se soulever contre la République. Ils n'ont pas dû être tendres, hein. Les officiers n'ont pas dû connaître la retraite des vieux. Dans le moment, ça s'explique très bien, parce que si, hein, quand Franco a gagné, même avant qu'il ait fini de gagner, il a fait voir que lui, il n'était pas entouré de sœurs de charité. Hein. Et voilà comment la guerre civile n'a pas été gagnée, parce que les anarchistes, quand ils sont au gouvernement, ils sont inconséquents. Voilà, en gros, c'est tout l'esprit de mon exposé. Si vous voulez poser des questions, je pourrais peut-être vous rentrer dans des détails. Mais le gros de cette thèse, je suis prêt à la soutenir devant des gens qui peuvent avoir des accès maintenant aux archives de Madrid. C'est vrai que les Marocains sont venus, leur dit, voilà, donnez-nous l'indépendance, on vient. Et alors les Marocains, c'était des soldats de profession, hein. Ça aurait été un appoint formidable pour les républicains. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Parce que si on n'avait pas été au gouvernement, on aurait dit, ah oui, mais nous, on n'était pas au gouvernement, on n'a pas pu, ainsi de suite. Mais là, c'est pas vrai, on était au gouvernement. Donc notre responsabilité est pleine et entière. Et voilà comment les anards ont perdu la guerre civile. Par exemple, le général Campesino, qui a fait son nom, c'est Dolores Campesino. Oui, Campesino. Qui a fait Dolores Campesino. Oui, Ibarra, oui, je crois que c'est Dolores. Bon, c'était la Frédérique des communistes, celle-là. C'est vrai qu'elle avait un torrent d'oratrice, et elle avait une voix qui portait. Et le Campesino, c'était encore une de ces créatures que les communistes avaient mis en avant et derrière qui il y avait des officiers russes. Comme il n'était pas tout à fait malhonnête, on peut être communiste fanatique et puis un jour comprendre qu'on s'est trompé ou qu'on vous a trompé. Donc quand il est intervenu en Russie, il a été de ceux qui ont été rapatriés. J'en ai même connu qui ont été rapatriés, qui ont vécu à l'Estag après. Quand il s'est aperçu de ce que c'était que l'Union soviétique, il s'est évadé. Ça, il a eu un gros mérite, parce que s'évader d'un camp d'un camp de relégation communiste, c'était pas une petite affaire. Enfin, il est arrivé jusqu'à... C'est l'Iran, non, qui borde la... Il a été... Évidemment, dès qu'il est... L'Ouest a pu le récupérer, elle l'a récupéré. Donc, je peux vous dire comment ça se passe, parce que j'ai eu dans mes relations le frère... Non, j'ai eu dans mes relations le mari d'une femme qui avait un frère en Russie, qui avait été parmi les militants communistes remarqués, donc des plus fanatiques, probablement, et qui était en URSS, et qui a été, pendant la guerre, commandant des forces derrière le front russe. Parce qu'il y avait le front, il y avait les Russes, et puis il y avait les Allemands qui avançaient. Mais il a fallu organiser la résistance derrière les lignes allemandes. Et c'est lui qui était, tout français qu'il était et marseillais qu'il était, hein, en a eu la responsabilité et il était en relation radio avec Khrouchtchev qui lui était derrière les lignes russes. Et s'échapper de Russie, c'est surtout d'un camp de concentration russe. Rossi. Ah moi j'ai pas connu, Rossi j'ai pas connu, non. Non, lui, le Campesino, j'ai pas connu non plus. Enfin, il est arrivé en France et puis il a écrit un livre, hein, où il a évoqué ses souvenirs, où il a dit ce qu'il avait vu. Et quant à la Dolores, celle-là, elle est restée fanatique. La Dolores, elle est restée fanatique, malgré que son fils, qui avait été rapatrié sur la Russie, qui a vu ce que c'était, lui, le fils, il s'est flingué. Et la mère est restée fanatique jusqu'en Espagne quand elle est venue. Elle était toujours communiste, rien ne lui avait rien appris. Parce qu'elle voyait, parce qu'elle pouvait constater, et c'était du genre de fanatique, sans doute, qui ne se retourne jamais sur les autres, sur le passé, qui croit. J'en croise encore, un de ces communistes, le parti n'existe plus, mais des communistes qui se disent toujours communistes. Il y en a toujours. Parce que le général Campesino, il avait une parole triste et redoutable. Il avait dit, je préfère mourir prisonnier en France que vivre en Russie. C'est vous dire de quel régime c'était. C'est la parole, c'est une parole tactique. Hein. Oui, non, mais c'est vous dire de quel régime c'était. Alors là, moi, ce qui pense, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y en a qui contestent la thèse que je viens de soutenir. Est-ce que les anarchistes qui ont participé au gouvernement à l'époque sont défendables? Moi je dis non. Mais enfin, vous n'êtes pas obligé de partager. Hein? Oui, mais. Attendez, il y a Serra qui veut prendre la parole. Ah, parce que vous savez, Serra. Oui. Oui, merci. Alors, d'abord, je suis très content que tu aies pris ce travail que nous venons de la bouche de Spignola. Aussi la présence de l'année. Peut-être que c'est ça pour toi. Alors, pour commencer, je voudrais rendre hommage à tous les copains libertaires, à tous les antifascistes libertaires, et aux libertaires qui sont morts pendant la guerre d'Espagne, qui sont morts dans la résistance et qui sont morts pendant les libérations de la libération. Avec le général Leclerc. Et aussi, prendre hommage à tous ceux qui sont morts dans le camp d'internement en France. Parce qu'il y a des milliers et des milliers qui sont entrés en France, et alors là, il faut remémorer ceux qui sont morts. L'histoire de la guerre d'Espagne, c'est une longue histoire difficile de remémorer, à non garder même en transgénère tout ce qui s'est passé dans la guerre d'Espagne. Je vais commencer par ton commencement sur la mission de Balear. Alors, la mission de Balear, à qui la faute que ça a été la faute du gouvernement républicain qui l'avait nommé le général Franco, général Amarruecos. C'est lui le chef nommé par le gouvernement républicain. Alors, question du Maroc. Alors la faute, ça a été aux Républicains, qui avaient le pacte. Alors après, tu as parlé de Mallorca, le barquement des îles de Baléa. Alors hier soir, j'ai téléphoné à quelqu'un, je passe de l'Antonie, qui l'a fait au livre sur les assassinats de Franco au Baléa. Il a fait au livre. Je passe de l'Antonie. Je ne connais pas, il m'a donné l'adresse et le livre qu'il a écrit. Il y a Custode de Baléares, j'espère que tous vous avez lu, par exemple, le cimetière sur la lune de Bernadotte. Lui, il explique aussi que tous les antifascistes, quand ils étaient signalés pour la facho, ils avaient parqué dans la base de Toulouse, ils ont été fusillés avec la matraillette, avec la matraillette. Et parmi ces assassins, il y avait un nommé Rossi, qui a parlé de Rossi. À lui, c'était l'assassin des Mallorcains qui avait quoi facile, antifasciste à Mallorca. Alors après, on a passé l'état au gouvernement. Alors après, tu as parlé de Federica. Nous, on a tout fait, c'est la faute aux autres. C'est vrai. C'était la faute aux autres. Nous, on a perdu la guerre, mais on a gagné la révolution. Ici, par exemple, j'ai un truc sur le truc d'Aragon et Thomas. Alors, comment on a organisé Aragon? Tout. La monnaie, ça, il avait disparu, on ne marchait pas avec la monnaie, on marchait avec le monde de champ. Parce que la monnaie, voilà, programme de la Fédération, les collectivités d'Aragon. Donc on avait gagné la révolution. Pas partout, mais surtout en Aragon. Alors, Frédéric a dit, c'est pas la faute à nous, c'est la faute aux autres. C'est la vérité, parce que tous, attention, aussi bien la droite que la gauche, ils étaient contre ça. Contre, par exemple, la collectivisation et la révolution de la monnaie. Tous, j'étais contre ça. Voilà, Frédéric qui avait raison, c'est nous qu'on a gagné, qu'on a perdu la guerre, mais on a gagné la révolution. Alors, après tu as vu par exemple, très paternel, tu as dit, les anarchistes au gouvernement. Les anarchistes au gouvernement, moi, je ne l'approuvais pas non plus, mais j'étais en Espagne. Si par exemple les anarchistes n'auraient pas rentré au gouvernement, ils auraient rentré les communistes au gouvernement. Et si ils rentraient les communistes, vous savez ce qui s'est passé à nous. Mais ça aurait été l'assassinat de toute la Confédération. C'est pour ça qu'on avait rentré au gouvernement. Pas pour faire de la politique, mais pour empêcher l'assassinat, comme ils avaient fait ailleurs, soit en Russie, soit ailleurs. Voilà pourquoi. Parce qu'on a rentré au gouvernement, mais après on a parti. Quand on a vu qu'on ne pouvait pas le faire, mais on a empêché le pire. Alors, voilà une chose, c'est le programme, l'autre chose, c'est la réalité. Alors, tu dis, bon, la faute, c'est à nous. Mais il y a un proverbe en espagnol qui dit, entre todos la mataron y ella sola se murió. Entre tous, ils l'ont tué, mais il est mort toute la seule. Alors, c'est dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur. Bon, est-ce que tu pourrais laisser parler Sylvie, s'il te plaît, maintenant? Bon, mais maintenant je m'arrête et je laisse parler Sylvie avec ma volonté, voilà. Le président te donne la parole. Voilà, moi j'ai une question. Genre, effectivement, ça me paraît assez logique que quand on est anarchiste, on n'aille pas se mettre dans le poste du gouvernement, même si j'entends bien ce que dit Jacques, soit dit en passant, que dans certaines circonstances, on fait comme on peut. Les anards, ils peuvent aussi naviguer la vue comme n'importe qui. Après, il se passe ce qui se passe. La question, alors là, moi, je me dis, bon, d'accord, tu nous dis qu'ils ont refusé la proposition des Marocains pour l'indépendance contre un soutien, hein, contre la rébellion des généraux. Combien et c'était parce qu'ils étaient membres du gouvernement. Moi, ça ne me suffit pas. Il y a quelque chose de là qui me pose une question. Là, le fait qu'ils soient membres du gouvernement ne m'explique pas sur le fait. Tu vois, ou alors ils avaient complètement vu de bord. C'est incompréhensible. Ce qui est pas. Tu vois, là, je suis pas fou, quoi. Est-ce qu'on sait? Je peux te répondre, mais tu pourras reprendre la parole. Je dis pas bien que, quel que soit l'homme politique, il sait pas qu'il est... Il sait une chose qu'il a réussi, parce qu'il est relativement modeste, il sait qu'il n'est pas le meilleur. Mais il sait que tous les autres sont plus pires. Alors, dans ces conditions, les camarades qui étaient anarchistes, qui étaient au gouvernement, il se disait, si c'est pas nous, les autres se seront pire que nous. De toute façon, pas éviter la présence des communistes au gouvernement, ils y sont arrivés. Et ensuite, leur devoir d'anarchiste, c'est de dire, mais vous voulez l'indépendance? Bien sûr, c'est notre premier devoir, c'est de vous l'accorder. Et à ce moment-là, tout ce qui a été fait, on a bien fait la révolution, ainsi de suite, c'était intéressant, c'était important. Mais ce qui était important, ce qui était urgent, c'était de battre les troupes franquistes pour qu'il ne puisse pas y avoir de gouvernement franquiste. Et alors à ce moment-là, on aurait bien vu ce que c'est devenu, ce que seraient devenues les collectivités qui auraient été installées. Ça ne répond pas à ma question. Oui, l'entrée au gouvernement, tout le monde peut faire des erreurs, d'accord. Mais même en tant que membre du gouvernement, même en tant qu'anarchiste, il y avait donc quelque chose de très particulier pour refuser cette proposition. Elle était tout à fait intéressante. Placer devant cette alternative, être soutenu et avoir une chance de gagner en effet la guerre civile en mettant de côté l'aspect révolutionnaire, c'est une logique acceptée. Eh oui, mais alors, là. Il y a d'autres gens. Non, mais Une chose, si tu veux, quelle était l'importance du Maroc, de l'armée espagnole, qui se fait la mettre en Ça représente. Une division, par exemple, ça représente. Là, en division, je ne suis pas militaire. C'est important, tu dis que la défaite militaire, elle est due au fait que c'est les troupes marocaines qui ont fait la différence. Elles ont fait la différence au départ. Non, mais combien ça représente, là? Oh ben, ça représente quand même quelques dizaines de milliers de soldats. Mais c'est pas négligeable. Je dis pas qu'il y avait 6 divisions de Marocains. Non, ça, je ne sais pas. Je peux pas. La question la plus importante, c'est qui a appelé Franco du Maroc pour être Espagne. Qui exactement a appelé Franco? Mais la caste militaire. Oui, mais la caste militaire, elle avait une solidarité de caste et elle avait prévu que ça ne pouvait pas tenir, que cette République leur était préjudiciable et qu'à terme, eh bien, leur statut privilégié qu'ils avaient depuis sous la monarchie, petit à petit, ils le perdraient. Et ça, ils avaient bien l'intention de ne pas le perdre. Alors, le général Mola et Jean Louvry et d'autres, Kepo de Lain, de Yann, celui-là, il opérait à partir de Séville. Mais enfin, il y avait une caste militaire qui ne voulait plus de la République parce que la République, à terme, les menaçait dans leurs privilèges. Et pour être sûr que ça ne se perpétuerait pas, eh ben, le meilleur moyen, c'était de se débarrasser de tout ce qui pouvait leur porter ombrage, c'est-à-dire les instituteurs et tous les gens qui étaient plus ou moins catalogués à gauche. Ben, bien sûr. Ah, au départ, oui. C'est pour en résumer, un peu sommaire, hein. Et c'est ce que je crois comprendre. Oui. Quand on a appelé Franco, c'est alors qu'on a appelé ces images qui reviennent. Oui, parce qu'au départ, c'est pas lui qui devait avoir la tête de ce soulèvement. Parce que c'est très important sur le déroulement de la suite des opérations. Alors, attends, on me demande la parole à droite, là, je vais donner. Très rapidement, pour la mère de Hitler en est son bouquin, on a parlé un peu du sujet. Il a cité notamment le congrès de la CNT, la FAI, je me souviens bien, 1931, 5 ans avant la révolution, où un délégué a voulu poser le problème de l'indépendance du Maroc, et on a envoyé les hommes par les cordes, en disant c'est pas grand chose, camarade, on n'en parle pas. Voilà. Oui, oui, mais on a justement par rapport. L'indépendance du gouvernement marocain, des Marocains. Mais ce qu'ils avaient envoyé des gens représentatifs, les Marocains, c'est pas des gens qui se baladent dans la nature. Ici. On a besoin de nos armées pour garantir notre indépendance. Oui. En même temps, l'autre moitié du Maroc serait en mouvement d'indépendance contre la France. Ben oui. Et elle garantissait l'arrivée des soldats marocains en tant que tels dans la défense de la République espagnole. Mais eux la garantissent. Eux la garantissaient, ils avaient les armes, ils avaient les moyens de débarquer sur le territoire espagnol qui leur était complètement ouvert. Donner un point de vue partiel, parce que je me souviens, il y a des éléments qui sont intéressants de part et d'autre. Je ne pense pas que les anards ou qui que ce soit reculés, ils étaient au gouvernement, je pense. Oui, bien sûr. Ils étaient au gouvernement, justement, ce que je pense, c'est que dans les discours, dans les différents discours, il manque une dimension importante, c'est la dimension géopolitique. Un élément important, oui, la dimension géopolitique du mot. Ah bah oui, mais ça c'est un autre problème. C'est dans le problème, mais là les anards, géopolitiquement, ils ne faisaient pas le poids. Ils ne pouvaient faire le poids que sur le territoire espagnol. Non. Il est certain que quand par rapport à l'intervention italienne, qu'est-ce que pouvaient faire les anards? Mais c'est pas que les États, c'est en termes de gouvernement, et en matière de politique internationale, l'aspect marocain ne représente rien dans l'époque, à cette époque-là. Pourquoi? Parce que l'ensemble des mouvements, je dirais, révolutionnaires, anar, communistes, un petit peu socialistes, qui étaient dans ces mouvements aussi bien en Espagne qu'en France, savaient pertinemment quelles étaient les évolutions en Allemagne, en Italie depuis Mussolini, et d'une manière générale, bon, c'est schématique, hein, oui, d'une manière générale, ils attendaient plus d'une coopération internationale qui passait obligatoirement, qu'on le veuille ou non, par la France, compte tenu du Front populaire, plutôt que par les Marocains. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi que. Il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que quand les Allemands sont venus aider les Espagnols, c'est pas tout de suite, c'est pas la première semaine, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est quand ils ont vu que les Républicains étaient assez faibles pour se faire submerger un jour. Et c'est là, et qu'est-ce qu'ils ont apporté? De l'aviation, ils n'ont pas apporté de troupes, ce qui leur a permis à eux d'essayer leur propre aversion de bombardement, cette Guernica qui a été systématiquement pour voir le résultat que ça donnerait, ils l'ont eu, hein. Mais ils ont été prudents, hein. Hitler, malheureusement, il n'était pas idiot. Hein. Malheureusement, Hitler n'était pas idiot. S'il avait été idiot, les choses auraient peut-être été plus faciles. Mais il n'était pas idiot. Quand il a vu que les républicains espagnols se défendaient aussi mal que ça, il s'est dit, bon, on peut y aller, parce que finalement, en les aidant, eh ben, parce que les militaires allemands qui étaient en Espagne, ils n'avaient pas une grande considération pour la valeur militaire de l'armée franquiste. Ils disaient, ces gens-là ne sont pas capables, leur limite s'arrête à une division. Ils ne savent pas faire un mouvement d'ensemble. Parce que jusqu'ici, la caste militaire espagnole, elle avait lutté contre qui? Hein, elle avait perdu à Cuba au début du siècle, elle avait perdu au Maroc, elle n'a pas pu empêcher un soulèvement qu'il a fallu l'aide de la France pour réprimer, mais pour anéantir. Hein. Ils avaient été, c'était une armée qui était toujours bonne à maintenir la paix sociale intérieure. Mais militairement, ce n'était pas quelque chose de très considérable. Hein. C'était, d'ailleurs, dans les guerres passées, les annales ont prouvé qu'un civil pouvait battre assez souvent des militaires professionnels. Ça vous intéresse, je vous développerai la chose. Et qu'ils l'ont fait. Hein. Non seulement ils pouvaient, mais ils l'ont fait. Hein. Parce que, par exemple, pour la Russie, par trois fois, les bolcheviks ont été sauvés par les annales. Hein. Maintenant, il a battu successivement, maintenant qu'il était un cheminot, pas un train de savate, non, un employé de chemin de fer, qui était un cheminot. Donc rien n'avait préparé, il n'avait pas fait l'école de guerre, lui. Hein. Eh bien, il a battu le général Vangel, il a battu le général Denikine, il a battu le troisième général, hein, parce que, ben, n'ayant pas de tradition, il avait une faculté d'initiative beaucoup plus grande que les généraux blancs qu'il a eu en face de lui. Et il ne les a pas battus par trois fois. Vous voyez ? Et quant à ce il fut un temps, maintenant je ne soutiens plus rien, mais enfin il fut un temps où je soutenais que quand un civil faisait la guerre à des professionnels, les professionnels étaient battus parce qu'ils étaient paralysés parce qu'ils avaient appris. Toi, ça n'a pas mangé rien, pas de chance que tu es sérieuse. Merci Sylvie. C'est assez Clémenceau qui disait ça. Mon père, tu peux poser une question ? Tu peux, oui. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu as dit. C'est à un moment donné, tu as dit mot anarchiste. Oui. Alors ça, moi je pense que ça, pour moi, c'est précisément la question qui m'intéresse le plus. Tu n'as parlé que des anarchistes au gouvernement. Mais la masse des autres anarchistes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient où? Ils existaient comment? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Est-ce qu'ils ont été au gouvernement? Comment ça s'est passé concrètement? Parce qu'il n'y avait pas que quelques-uns au gouvernement. Ils ont soutenu massivement, ils ont été n'étaient pas informés, ils ont laissé faire parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Alors, c'est assez curieux. Hein. Quand Barcelone a été pris, les gens ont dit les anarchistes, c'est les plus bons, les plus beaux, les plus grands, on s'enroule derrière eux. Et puis quand ils se sont retrouvés face du front d'Aragon, il y en a eu des milliers de gens qui se sont engagés. Mais quand ils ont vu que les balles sifflaient, et quand ils ont vu que le copain d'à côté, il combattrait plus jamais, ils ont commencé à se trouver des maladies vénériennes pour avoir un prétexte, c'était le cas le plus souvent évoqué. Pour ça, je parle, hein, pour aller se faire soigner à Barcelone, et on n'y revoyait jamais. Parce que c'est bien beau de partir en disant « Viva la muerte !» Mais quand on arrive sur le front et que la mort foutue le copain, on se dit « Oh, il a eu de la chance, c'est lui, c'est pas moi. » Alors on est beaucoup à la largeur. Alors, les volontaires pour aller combattre, il y en a eu, quelqu'un a combattu, les gens qui ont suivi Bourreau qui ont combattu. Les décisions qui étaient prises au gouvernement, oui. ça se faisait quand même dans l'urgence, une situation d'urgence. Oui. Est-ce qu'on avait le temps de consulter la masse pour savoir ce qu'elle pensait et tout ça? On n'avait pas le temps. Mais, moi, à mon avis, je vois difficilement comment ils auraient eu le temps. Alors, je veux dire, quand tu dis mot anarchiste, tu impliques peut-être des gens qui concrètement ne pouvaient rien. Ah, alors, moi, c'est pas... Je parle de la masse des anarchistes, pas des hommes qui... Est-ce qu'on peut avoir justement du nombre, des structures, comment ils étaient organisés? Oui, mais je pense... Excusez-moi, je suis de réfugié politique, mon père était anarchiste, et donc j'ai quelques échos quand même. Les anarchistes étaient très, très partagés. Il y en avait beaucoup qui étaient contre rentrer au gouvernement. Ils étaient tout à fait opposés. Donc ceux qui étaient au gouvernement, de toute manière, ils étaient en contradiction avec eux-mêmes. Et comme disait Jacques, en fait, c'est vrai qu'ils sont rentrés pour empêcher les communistes de rentrer. Après, ils étaient la guerre civile, ils n'étaient pas la guerre civile et après la révolution. C'était la guerre civile et la révolution. Oui. Donc, ce qui explique quand même peut-être cette difficulté de prendre une décision. Et puis, idéologiquement, philosophiquement, ils ne pouvaient pas être au gouvernement. Qu'est-ce qui se serait passé si, effectivement, les anarchistes se seraient restés au gouvernement? Ils n'auraient pas été si simples. Mais, voilà, ce n'était pas possible. Écoutez, il y avait une contradiction là, et il y avait différents courants anarchistes. Ce n'était pas nous les anarchistes. Oui. Moi, ce que j'ai traité, c'est les débuts de la guerre civile, quand elle était gagnable. Après, c'était une question de rapport de forces militaires. Et là, je suis pas assez calé pour traiter le sujet. Quand les Italiens sont venus avec des dizaines de milliers d'hommes et du matériel, quand les Allemands sont venus fournir une aviation à Franco, là, c'est pas moi qui peux... Oui, mais il y a tout un aspect idéologique et philosophique qui fait que le mouvement anarchiste, c'est pas un parti, c'est une philosophie. En fait, idéologique, ça, c'est des paramètres à prendre en compte quand on refait l'histoire. Moi, je ne suis pas historienne, mais je sais ce que j'ai vécu à travers. C'est représenté par une chose très simple qui est le mot révolution. Oui, révolution qui est très mal employée à l'heure actuelle, la révolution c'est entre le changement et le système. Autrement dit, le gouvernement anarchiste à une période représente une révolution, c'est-à-dire on change le système, ce qui existe n'existe plus, et on passe pour autre chose. Seulement, ça ne peut pas perdurer, c'est-à-dire ce n'est qu'à l'époque de la révolution. La révolution, c'est quelque chose de subi, de soudain, qui ne peut pas durer trop longtemps. Autrement dit, on ne peut pas penser au pouvoir anarchiste qui dure pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une remise en question du système qui existe. Ou alors, c'est qu'on passe autrement. Moi, je comprends très bien qu'on puisse passer autrement, mais dans mon esprit, c'est ça. Non, la perspective, c'est la suivante. Si les franquistes n'étaient pas arrivés jusqu'à Bilbao, eh bien la guerre était perdue pour eux. Et ça, les anarchistes pouvaient le provoquer. Ils étaient... imaginez, vous connaissez ce qui arrive à Obrea? C'est le journal officiel du mouvement anarchiste en exil. Hein? Oui, mon père était correcteur. Bon, alors, encore plus. Bon, imaginez les grosses manchettes à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires parmi le mouvement anarchiste et le public. Mais le public aurait dit, mais bien sûr. Et à ce moment-là, quelle pression sur le gouvernement espagnol il pouvait exercer? Il aurait dit, écoutez, nous on est au gouvernement, mais sinon les copains ne nous suivent pas, on ne représente plus rien. Bon, alors, le moyen de pression sur Léon Blum, qui lui avait la clé de la situation en envoyant quelques wagons d'armes. Pas des quantités. Bon. Il y a aussi un aspect, moi j'ai assisté à une conférence à propos justement des anarchistes face à la colonisation. Donc beaucoup, alors je ne sais pas si je saurais expliquer, je le sens, je le comprends, les anarchistes, la décolonisation, ça fait partie aussi d'un système politique, donc pour eux, à partir du moment où ils rentraient dans ce système, pour eux c'était pas ça la solution. Voilà. Enfin, bon. Ah oui, mais c'est là où... C'est-à-dire pendant un moment très pénible lorsqu'on défend le mouvement anarchiste, à savoir la lutte qui existe contre la masse et ce qu'on appelle dans un langage standard l'élite. Si au milieu de tous les anarchistes, de la masse des anarchistes, il y a une élite qui se dégage, cette élite est discutable parce qu'elle s'éloigne de la masse. Tout à fait. Et c'est un gros problème. C'est exactement le même problème si j'ose prendre un parallèle de Hardy. C'est bien le problème du fascisme que pouvoir le pouvoir représenter par un seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes un anarchiste, pardonnez-moi l'expression pure et dure, vous avez de grandes difficultés à comprendre qu'il y a un seul personnage qui vous représente. Oui, parce que c'est pourquoi il fallait que la révolution soit difficile quelquefois, et il faut l'aborder sur la pointe des pieds, parce que lorsqu'on parle, on parle de la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres, elle est difficile quelquefois. Parce que vous savez, vous avez des sujets divers qui sont issus de milieux divers, mais qui ont le même idéal de liberté, qui ont le même idéal de social, si vous voulez. Et vous pouvez très bien avoir beaucoup d'argent et être socialiste, dans la limite d'État. Et être socialiste et avoir une fonction de capitaliste. On voit bien dans le monde moderne. Dans le monde moderne, vous avez une masse de gens qui représentent le peuple et qui ne représentent pas le peuple. On le voit bien avec le pouvoir à ce moment des sénateurs. Ce qu'on appelle les sénateurs, ce qu'on appelle alors le pouvoir des sages, la Gora ou tout le temps, ça disparaît complètement, parce que les sages sont devenus des gens qui cherchent une campe, un endroit où peuvent dormir tranquille. Alors que la base de l'anarchisme ou de la révolution, c'est de ne jamais être tranquille. Quelle que soit votre position, quel que soit votre statut social, vous n'êtes jamais à l'aise dans votre place. vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez toujours prendre votre chaise, elle est en cave, elle est tendue, vous pouvez la prendre. C'est pour ça que c'est si mal. Ça, c'est très difficile à débattre de l'étudier, de s'appeler Je peux faire une toute petite aversion. Quand les communistes ont réussi à abattre Durut, parce qu'il a été tué dans le dos, et on a, nous, en mouvement libertaire, en France, on a su par écho que les gens qui avaient fait ça s'en sont flattés, en France. L'homos matado el bicho. C'était leur expression. Hein. Mais quand on a fait le constat des biens qu'avait Durruti, il avait deux mains au corps, deux slips et un pantalon. Donc, là où il était, avec la responsabilité qu'il était, il ne s'était pas installé, il n'était pas devenu sénateur. Hein. Ce qu'il faisait, c'était peut-être pas toujours, c'était peut-être discutable, mais c'était toujours désintéressé. Quant à ce cas où il est allé se faire tuer en se jetant sur la porte de la caserne, il était un militant représentatif. C'était quelqu'un qui, dans le mouvement libertaire espagnol, était très connu. Il n'a pas envoyé un commando pour aller défoncer la porte, lui. Il a dit, il faut que quelqu'un le fasse, je le fais. Et il l'a fait. C'est toute la différence, ça c'est une attitude à n'a. Bon, pourquoi je vais demander aux autres de le faire si je ne le fais pas? Hein? Donc, il l'a fait, il a des morts. Et combien d'autres se comportaient comme ça? C'est vrai que parmi les inconséquences, celle d'entrer au gouvernement, surtout d'être au gouvernement et de ne pas donner suite à une proposition telle que de la valeur des Marocains espagnols, c'était... Et puis finalement, ces gens, ils ont démissionné quand du gouvernement? À quel moment se sont-ils retirés? Hein? C'est toujours la même chose, je vous dis. C'est pas qu'on est les plus intelligents. Mais alors les autres, alors si c'est pas nous, c'est encore plus pire. Donc on se maintient et on tient à rester. Et ça tient. Dans le gouvernement actuel, regardez les députés, il n'y en a pas 10 intelligents sur 600. Mais ils sont tous perdus, persuadés, même le plus idiot des hommes politiques, il est persuadé que si c'est pas lui, celui qui viendra après lui sera pire. Alors on s'accroche. Il y a une part de sincérité dans cette attitude. Puisque... Si vous voulez, je vous fais raconter la prise de... Et il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Oui, Jean-René. Tu as demandé la parole, René? Jacques. Un autre René. Jacques, il a déjà dit. Oui, mais il la redemande. J'ai pas parlé. Alors vas-y. C'est juste, bon, est-ce que ces quatre ministres, donc, anarchistes, étaient représentatifs du mouvement, ou est-ce que c'était... Qui? Quelque part, ils représentaient que les différentes variétés d'eux. Est-ce que on a des traces, donc des comptes rendus réunions, je ne sais pas, vers là, parce qu'il y a des. Vous parlez d'archives tout à l'heure, est-ce qu'on peut prouver, quoi, par les textes que tel a dit ça et... Mais vous voyez les survivants du mouvement anarchiste? On va vous donner les archives, comme ça vous pourrez constater comment on était bête. Ils le feront jamais, hein. Et d'abord, des survivants, il ne doit plus y en avoir beaucoup, je suppose. Hein? Parce que même Frédérica, elle est morte, celle-là, non? Oui. C'est la seule que j'ai connue de... Bon. Mais, alors, très vite, mais on prendra la parole. Non, mais Jacques, il a mis la parole, et maintenant, c'est vous autres. Parce que je ne peux pas répondre qu'à Jacques. Hein? Avant d'avoir fait le tour de table. La raison qui semble de dirimante, en fait, quand vous parlez des anarches dans un gouvernement, c'est qu'il y avait les communistes. Et concrètement, les communistes, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu éliminer tous les anarches. Ils avaient les moyens avec les Russes. Après, mais pas au départ. Je suis un peu étonné parce que vous avez dit que c'est un anarche qui prend la révolution. Arrêtez, je ne veux pas vous choquer. Hein. Non, mais je demande. En un mot, le gros problème avec les communistes, c'est qu'ils obéissent au secrétaire du parti. Tandis que les anarchistes sont représentés par leurs idées. Il y a une grosse différence entre parler en son nom propre et parler à travers quelqu'un. Le Parti communiste est fortement structuré. Et chez les communistes, pendant très longtemps, je ne veux pas vous parler de la période de Staline ou de n'importe quoi, ça n'a pas de importance, c'est un débat qui ne m'intéresse pas, je vous dis. Mais chez les communistes, il y avait une obéissance absolue à ce que moi j'appelle un mythe et qui pour eux était une croyance. C'est-à-dire que la parole du comité central, c'était la parole d'évangile. C'était le bon mot, elle existe, la parole d'évangile pour le communiste. Mais il y avait un évangile, c'était le capital. Tandis que chez un anarchiste, il ne prend pas pour parole d'évangile. Par exemple, monsieur parle, monsieur parle, je prends ce qui m'intéresse, j'en fais bon usage, et ça s'arrête là. Mais je ne suis pas obéissant, je ne viens pas en dénonciatoire en disant bonjour monsieur, vous avez raison monsieur. Alors, la grosse problème pour moi, justement, c'est d'avoir un gros problème avec le Parti communiste en tant qu'obéissance absolue. Et c'est très délicat, c'est très difficile à expliquer, mais c'est parce qu'on a un vieux fond français individualiste qui vous pousse à ne pas obéir à une directive générale. Parce qu'au moment où on est dans le peuple de moutons, c'est-à-dire que si le berger décide que tous les moutons prennent ce chemin, nous, le berger, chef, secrétaire général, gros, on suit ce chemin et on n'a pas le droit à prendre un autre chemin. Alors que si vous êtes anarchiste, un autre chemin est permis. Je ne dis pas qu'il est nécessaire, je dis qu'il est obligatoire, je dis qu'il est raisonnable, je dis qu'il est permis. C'est tout à fait différent. Mais je parler avec une convaincue, ce n'est pas la question que je pose. La question, c'est la question du nombre. C'est complètement la vie, je crois, pas mille mille. Et ils auraient pu écraser vraiment. Là, on s'embarque dans d'autres problèmes, mais enfin, je vous ai dit tout à l'heure que les communistes, lors des dernières élections qui ont fait qu'il y a eu El Frente Popular, eh bien, ils n'avaient que 12 députés par désistement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une force électorale suffisante pour à eux seuls élire 12 députés. Il a fallu que les socialistes se désistent. Donc, à l'origine, dans les premières semaines de la guerre civile, il ne faisait pas le poids. Mais après, avec des fournitures russes lourdement payées en or, mais dans tout le début, non, les communistes ne faisaient pas le poids. D'abord, ils n'avaient pas de passé, tandis qu'il ne faut pas oublier que le mouvement libertaire espagnol, il y avait 60 ans qu'il travaillait les masses, si on peut exprimer. Il y avait 60 ans. Moi, je me souviens de mon émigrant, quand j'ai vu arriver des jeunes émigrés, là. Bon, moi, j'ai été élevé dans un milieu communiste, alors là, on forme des militants, on ne forme pas des contestataires. Bon, alors, je vois arriver ces jeunes émigrés, parce que tous les Espagnols qui sont rentrés en France n'étaient pas forcément vieux, et puis c'est des gens qui se consacraient à apprendre, qui me racontaient leur vie quand ils étaient très jeunes, qui avaient 15-16 ans. Eux savaient lire, alors ils passaient leur soirée à apprendre à lire aux gens qui travaillaient et qui ne savaient pas lire. Et ça a duré depuis 60 ans. Donc le peuple espagnol, le peuple de Barcelone, le peuple catalan, ils savaient que les anarchistes étaient derrière eux et que chaque fois qu'ils pouvaient, ils les aidaient. Ils leur apportaient la lecture, ils leur apportaient un tas de choses qu'ils n'auraient pas pu apprendre tout seuls. Ils avaient donc une action de fond. Il n'était pas là, suivez-nous, nous sommes les plus beaux, les plus forts, on va vous conduire vers le paradis soviétique. Et vous savez que pour les communistes, l'adage était le suivant, il vaut mieux se tromper avec le parti que d'avoir raison contre lui. Il y a une autre phrase en catalan qui dit « c'est le serein, j'ai le catalan ». Ah, là, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. « C'est le serein, j'ai le catalan ». On va se concentrer sur le catalan, Pierre. Oui. Oui, alors, je tiens à vous raconter ce petit incident, la prise de Valence. Valence est une ville dans un secteur agricole riche et prospère. Et même à la veille de la guerre civile, le petit propriétaire de terre espagnole, il vivait à l'aise, il n'était pas réduit à la misère. Et la ville, quand le soulèvement s'est provoqué, la ville est tombée dans un silence, mais un silence, on aurait dit qu'il n'y avait plus personne dans Valence. Parce que les gens de droite n'osaient pas montrer le nez, les gens de gauche, ils attendaient que quelque chose se produise, Et puis, ils attendaient. Or, j'ai connu quelqu'un qui m'a expliqué qu'il s'était lancé à l'assaut de la ville de Valence à 17. D'abord, il s'était lancé à l'assaut des armureries, parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Enfin, ils ont pillé les armureries, ils se sont armés et ils se sont lancés. Alors, à ce moment-là, quand les gens de gauche ont vu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour rester maître à Valence, ben, ils ont suivi, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient là, ils ont suivi parce que et Valence, la droite voyant que le peuple suivait, elle s'est tue et elle a attendu que la guerre civile soit gagnée par les troupes de Franco. Elle n'a pas fait de bruit pendant les trois ans de la guerre civile. Mais à l'origine, il y avait 17 types, ils n'ont pas alors c'est là où est la différence des anarchistes, et c'est là qui fait leur faiblesse peut-être, mais c'est aussi ce qui fait leur force, c'est qu'on n'a pas attendu un ordre du comité central ou du bureau politique pour se lancer à l'assaut. Oui, alors, c'était à faire, c'est toujours le premier auteur, c'était à faire, pourquoi j'attendrai que les autres le fassent? S'il faut le faire, on le fait. Et c'est comme ça que mon ami Antonio Barriel Catala, hein, qu'il avait deux noms, celui-là il avait un nom en France et puis il avait un nom en Espagne. Hein, parce qu'il avait un passé de militant en Espagne et il ne voulait pas que Franco le fasse récupérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement Pétain, dont on nous défend de temps en temps la mémoire glorieuse, il a livré des gens comme, je crois, à Franco, dont il savait fort bien qu'il serait fusillé. Et pas des petits militants, des gens qui avaient eu des responsabilités, je crois Companis, et puis un autre qui avait quand même eu un moment d'autorité dans l'espace catalan. Et bien Franco, Pétain, les a envoyés en Espagne où ils savaient qu'ils seraient fusillés. Hein? Et les républicains espagnols qui se sont retrouvés dans les camps de concentration allemands, c'est des gens que Pétain avait livrés aux autorités allemandes derrière la ligne d'occupation. À l'époque, Pétain était délégué pour le gouvernement français. Il était chef de l'État, il a été très vite. C'est avant qu'il soit chef de l'État. Hein? C'est avant qu'il soit chef de l'État. C'est peut-être avant que ça a commencé, parce que Laval avait... Il était en Espagne, il n'était pas chef de l'État. Ah non, il était ambassadeur il était ambassadeur d'Espagne parce qu'il avait eu pendant la répression pendant le soulèvement du Maroc français et espagnol et français, parce que le Maroc français s'était soulevé, il avait eu Franco sous ses ordres. Alors, le gouvernement de l'époque, je ne sais pas si c'était Daladier ou un autre, ils se sont dit le meilleur interlocuteur auprès de Franco, c'est encore Pétain qui le connaît. Hein? Mais quand Laval l'a mis au pouvoir, parce que c'est Laval qui l'a mis au pouvoir, parce que lui, la manœuvre des milieux politiques, il la connaissait mieux que Pétain, hein? Il l'a fait nommer chef de l'État, et il a livré aux autorités allemandes une main-d'œuvre, soi-disant une main-d'œuvre, pour construire le mur de l'Atlantique. Je peux vous parler du mur de l'Atlantique, je l'ai construit. Hein? Tout ça. Non, pas quand même. Vous savez qu'il est plus difficile à débrouiller. Oui, ah ben oui. Ah oui, non, vous allez dire, pour un ancien, pour un vieux gars qui est devenu un arbre, il a construit le mur de l'Atlantique, mais il n'y avait que les Allemands pour donner du boulot. D'un seul coup, il n'y avait plus de boulot. Tout s'était arrêté. Alors, nous, les gens du bâtiment, puisque j'étais à l'époque ouvrier du bâtiment, on ne pouvait présenter nos bras qu'aux gens qui les employaient et qui nous payaient. Alors c'est comme ça que j'ai construit le mur de l'Atlantique, au début avec une pelle et une perche, puis après j'ai trouvé que c'était très dur, alors j'ai acheté une égorine et un marteau, et je me suis prétendu charpentier, et j'ai monté des baraques pour les sous-mariniers allemands. Je peux vous parler du régime des sous-mariniers allemands, ça c'est, je ne voulais, mais c'est pas le sujet. Je voulais simplement dire à propos des 17 anarchistes qui ont pris Valence, vous avez dit qu'ils ont pillé une armurerie. Ils ont pillé, c'est parce que les gouverneurs, dans les comptages, je ne sais pas Valence, mais pareil qu'ailleurs, refusaient d'ouvrir les armureries, les munitions, tout ça, ils refusaient d'ouvrir parce que... Voilà. Donc ils ont dû être obligés de piller, le monde n'est pas trop, mais bon, ils ont obligé de prendre les armes dans ces conditions-là, quoi, c'est terrible. Oui, c'est terrible parce que les gouverneurs, la République leur refusait des armes. Mais à Madrid, le cas s'est passé, le gouvernement dans ses républicains dans ses illusions de gagner, de l'emporter dans l'affrontement avec les franquistes, a refusé de distribuer les armes. Ça c'est quand même un détail très important. Oui, c'était le gouvernement républicain. Parce qu'à ce moment-là, il avait l'illusion que militairement, il finirait par l'emporter. Là. Alors, Serra, maintenant tu as la parole, parce que quand même tu la demandes depuis longtemps. Non, mais je ne voudrais pas que tu... Ça va bien arriver, là, parce que la route de Ferrière. Mais on ferait différent. Avec le temps, tout faut le calme. Avec le temps, tout faut le calme. Et c'est dommage qu'actuellement, les témoins de cette épopée, de cette intervention, je crois que je suis le seul aussi. Et le collègue un peu plus tard, moi je crois qu'il a fait mal à moi, même il ne m'a pas répondu. Alors, en nous parlant de ce qui soit tous politiques, on est donc, il a fait la guerre avec moi, avec Dorothy, pour faire une guerre. Je vous parlerai après dans la gorge, et surtout maintenant je vais finir, concrétiser l'idée là, sur l'entrée des anarchistes au gouvernement. Ils sont rentrés au gouvernement contre les forcés. Même Frédéric Amoncé, ils ne voulaient pas. Personne ne voulait rentrer. Mais il y a eu une réunion, et si on ne rentre pas, on risque le pire. Et alors, dans cette circonstance exceptionnelle, solution exceptionnelle, parce que l'anarchie, ce n'est pas de rentrer au gouvernement, mais on a été forcé de rentrer. Bon, on a évité le pire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, beaucoup ne sont pas d'accord, mais s'ils ont été en Espagne, je crois qu'ils auraient fait pareil. Alors, maintenant, étant donné que j'ai fait la guerre avec Dorothy, Moreno, il était en loin de chez moi, heureusement, et puis voilà, pour ça que je suis là. La parole de Laurent Ferrer, avec le temps, tout le temps. Mais je me suis un petit rapport qui est facile. J'espère qu'il en restera là avec moi, et ça qui est une espèce. Alors, j'étais au front de l'Aragon. On a été piégés, mais l'autre. On est gentil, on dit qu'on est un castor, mais de fond, on est trop gentil. On a accepté, tout, sauf la victoire. Bon, on a accepté la militarisation. On a accepté d'attendre qu'ils nous donne des armes pour avancer. J'étais au front de l'Aragon. Carlos, Pino d'Ebro, tout ça, on attendait des armes. Pendant des mois, voilà, on ne faisait rien. Après, il y a eu l'offensive de Madrid, bon, à le volontaire pour aller un peu à secourir à Madrid parce que ça va mal, Franco y attaque, bon, volontaire pour partir à Madrid. Alors, Dorothy, bah, il a pris le volontaire, mais je ne sais pas où il y avait. Bon. Et allé à Madrid. Et à Madrid, qu'est-ce qui lui a passé? Madrid n'a pas été préparé. Ils se sont servis de Dorothy pour le tuer. Pour le tuer par derrière. Pas par devant, c'est par derrière. Et ça, c'est ça qu'il faut savoir beaucoup. Ils ne savaient pas tout là-dedans. C'est qu'il y avait là, le communiste là. Les campesinos, l'Istéon, tout ça, aux ordres de Moscou, ils avaient déjà assassiné pendant le coup d'état à Barcelone, le communiste, là, ils avaient déjà assassiné André Lin, Bernerini, un anarchiste italien. Alors, petit, on était piégés, ils ont assassiné Dorothy parce que Dorothy représentait pour nous une avalère la Belgique, le volontaire de Tabancier. Ils ont souffert d'ailleurs. Alors les Allemands, dans cette terre à l'armée, bon, en principe, on était un centurion, c'était la centaine, avec le capitaine, c'est le délégué, vous n'avez pas le capitaine. Et après, on a passé à militaire, voilà. Moi, j'étais dans la communication. Et alors, on a été piégé parce que nous, en acceptant la militarisation, vous allez recevoir des armes. Alors, vraiment, si on a des armes, on va arriver, on va sentir, on va se faire militaire. Parce que sans armes, on ne peut pas gagner le combat. La révolution, c'est un combat. Il faut le faire avec des armes, sinon, on se fait massacrer. Alors, les armes, on n'a jamais reçu des armes. Les armes qui venaient de Russie, de ça, c'était pour le Campicino, l'Istéon, et toute la bande de communistes qui avait là. Alors, vous avez vu, par exemple, il y a eu des films, là, pour la guerre d'Espagne, au 5 décembre. On a passé à Aix, on a passé deux fois, pour la guerre d'Espagne. Autre futur, on va bien là, on sait que c'est là, ça commence à passer la révolution et tout ça, on va bien. Il y a aussi mourir à Madrid, mais mourir à Madrid c'est encore un documentaire, c'était fait pour le service de presse de soviétique, ça. Vous voyez rien que la passionnariat, la manipulation. Après il y a un film, là, Fredon, tout ça. Alors c'était la chasse aux trotskistes avec le militaire communiste, avec tout ça, c'était le massacre. Alors j'ai assisté aussi au coup d'état à Barcelone, là. Coup d'état de communiste, là, pour s'emparer de la téléphonique et tout. Et là, ça a été la chasse. Enfin, ils n'ont pas arrivé, mais... C'était la chasse aux trotskistes. Il a fallu que la Confédération intervienne pour pas que les trotskistes ne soient massacrés comme de la peine. Mais alors, et aussi nous, c'est là qu'ils avaient tué André Mille et d'autres compagnons. Alors c'est pour ça que l'histoire de la Révolution espagnole, après la guerre civile, il y a beaucoup à dire. Et je pense que le coupable d'avoir perdu la guerre, c'est la démocratie, là. La démocratie obscène. Quelqu'un a dit obscène, moi je dirais pire qu'obscène. Qu'ils en ont battu là, le comité de l'intervention, vous le savez, c'est une histoire. Alors, les Français étaient d'accord, les Anglais aussi, et toute la démocratie obscène était d'accord. Pourquoi ils étaient d'accord? Pour tuer la révolution. Parce que ce qui faisait peur, c'était pas la Franco, c'était la révolution. Ils ont préféré dire Franco qu'une république autogérée, une république sociale libertaire. Voilà notre défaite. Mais on a perdu la guerre, mais on a gardé la révolution. Et là, vous avez le programme de la Fédération de Collectivité de la Révolution. Ça marchait très bien dans la Révolution. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on a... On n'a pas tout perdu parce que ça reste plutôt quelque chose. Et j'espère que la génération, pendant le temps de tout ça, ça va continuer. Jacques, il y a ma secrétaire qui a une mise au point à faire, je ne sais pas, une petite mise au point. Juste une parenthèse pour les gens qui attendent exprès. Il y a des raisons qu'on regarde les rushs du dernier film de Pierre Carme, qui est le 13, et la cassette est en train d'arriver de marquer. Mais elle n'est pas encore. On peut continuer un petit moment. Voilà, simplement. A priori, on pourra pas grand-chose. Oui, Jacques, je te trouve bien optimiste en disant que vous avez gardé la révolution, ainsi de suite. Vous n'avez rien gagné du tout, rien gardé du tout, et même pas le mouvement anarchiste et sénétiste en Espagne. C'est maintenant quelque chose d'inexistant. Vous avez donc, dans cette guerre civile, perdu. Tout. L'histoire des collectivisations, qui c'est qui la raconte en dehors de nous? Personne. on n'en parlera pas parce que voilà, on a tout perdu. Pourquoi avoir pris la bonne décision qui aurait sauvé la République et qui nous aurait peut-être permis, j'en sais rien, mais qui nous aurait peut-être permis d'approfondir l'action du mouvement libertaire qui depuis... Effectivement, le gouvernement anglais était tout à fait opposé à voir cette révolution voir le jour. Hein. Tous les Anglais. Non, mais tant que... Tant que la République espagnole a existé, les intérêts anglais n'étaient pas menacés. Quand Franco a envahi les Baléares, quelle est la réaction du gouvernement en place à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il décide? Parce que c'est vrai que si la guerre a été perdue dans les premiers temps, c'est vrai, s'il y a eu une réaction plus violente, mais qu'est-ce qu'il décide à ce moment-là? Donc c'est un gouvernement auquel participent les anarchistes qui a perdu. C'est pas que les autour, il y avait un environnement qui n'était pas favorable, ça je pense que tout le monde en est conscient. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, un peuple qui est mal équipé militairement peut quand même gagner. Bon, pourquoi si tu veux, même si tu ne prends pas les bonnes décisions au début, même si tu n'as pas tout ce qu'il faut, tu peux quand même gagner malgré tout cette guerre. Pourquoi elle a été perdue dans tous les cas de figure? Même avec un environnement qui n'était pas favorable. Et là, la réponse, on ne l'a toujours pas, quoi. Tu ne l'as pas donné sur la réponse. Voilà. Non, moi... Les interventions que j'ai entendues ne m'ont pas démonté, ne m'ont pas démontré que j'avais tort en évoquant la perspective d'un gain possible. C'était pas impossible de gagner la guerre civile, j'ai pas dit la révolution. Tu dis que personne n'en a parlé. Moi, il me semble que j'ai eu un texte très précis de Camilo Bernardi. Oui. Il pose cette question précisément. Oui. La même que je pose aujourd'hui. Le printemps du Maroc, oui. Ah bon, ben, je suis content. Guerre de classe en Espagne. Eh bien, je suis content. Il parle très précisément de cette... À l'époque. Oui. À l'époque, oui, mais il n'a pas été suivi. Mais j'en suis heureux. Bon, il y a un anard conséquent qui a posé problème. Et comme vous l'avez dit, en 31, on a dit, ah, c'est pas à l'ordre du jour. Hein? Alors. Non, parce que même chez les libertaires, il ne faut pas se tromper sur la nature humaine. Hein. Moi, je regardais là ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Les nuits noirs, ils n'étaient pas tous riches. Hein. Eux, ils étaient pauvres. Mais ce qui les consolait, c'est que les Arabes, ils étaient à la misère. Alors, c'est plus supportable de supporter la pauvreté quand tu vois des mecs à côté de toi qui subissent un régime plus dur que le... Que... Quand je pense que Saint-Sébastien, quelques wagons d'armes, mais au lieu de tirer à blanc, il tire à balle. Quant aux camarades syndiqués français, hein, qui auraient pu faire passer des wagons d'armes de l'autre côté de la frontière, ben, ils étaient là en spectateur. Ah, c'était pas chez nous, c'est là-bas. Parce que c'était très possible. Il y avait des armureries dans le sud-est. Hein. Vous savez, quand on a fait vous savez, ça fait la